Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui sur Sens. Alors on vous a suffisamment saoulé avec Sens Néant durant les deux derniers mois, donc aujourd'hui on va vous saouler avec Sens Mort pour changer. Avec Adrien qui nous vient de Lyon, super de te retrouver sur le podcast de la cellule Adrien. Salut. Natacha est avec nous également. Salut. Et Flavie. Coucou. Et aujourd'hui on va vous parler de drame, de tragique à l'intérieur de Sens Mort, comment gérer l'aspect tragique de Sens Mort. Alors, Natacha, tu es venue avec plein de critiques, de réflexions au sujet du c'est tragique. C'est plus des réflexions que des critiques. Ton jeu. Et en plus, je ne sais pas si mes critiques sont adressées à toi ou à Adrien, finalement. Donc, c'est Adrien, à Romaric, Adrien, tu vas te faire défoncer. Tout à fait. Donc, il faut savoir, bien sûr, que Adrien est le maître de jeu qui a fait découvrir Sens à Natacha. Hein. Merci Adrien. Merci. Un plaisir que de les torturer. Parce que Natacha fait quand même des études de lettres et tout, donc elle est bien placée pour nous parler de tout ce qui est tragédie. De critiques littéraires, etc. Donc ça m'intéresse énormément d'avoir tes retours. Natacha, je t'écoute. Alors qu'est-ce qui t'a amené à nous obliger, c'est sous la torture, oui, bien à sûr. Traiter l'aspect tragique. Voilà, c'est votre destin tragique justement qui vous a amené jusque-là, c'est ça. Je sens que je vais passer un 7 gardeur. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi je commencerai par ma définition du tragique, celle que j'utilise habituellement pour la littérature occidentale. Yes. Qui vient, si mes souvenirs sont bons, alors à revérifier, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises et me faire insulter tout ça. Du mot tragos, qui serait le cri du bouc sacrifié lors des fêtes et du théâtre après Kratos, tragos en Grèce, voilà. Énorme. Putain, on commence par sacrifier des chefs sur ce. Oui. Donc en gros, le tragique dans Sens Mort, c'est faire hurler les joueurs comme des boucs, quoi. C'est dans la littérature occidentale. C'est énorme ça. Voilà. Pourquoi donc, ça vient de là? C'est... Parce que en fait, c'était un sacrifice destiné aux dieux avant ou pendant la représentation. À la base, le théâtre, c'est de toute façon représenter des scènes de la mythologie, en fait. D'accord. Mais puis de toute façon, je doute que les boucs, au moment où on les égorge, dans la mesure où ils font Tragos, ouais, c'est ça. Ça m'étonnerait. C'est le nom du truc qui écrit du bouc, comme on dit, qu'un chamiol ou que. D'accord. Ouais, d'accord, ouais. C'est le dernier râle, en fait. On traduirait peut-être ça par râle. C'est ça. À la base, c'était des rituels. En fait, le théâtre, à la base, c'était des rituels. Simplement un rituel. Aux dieux, enfin pour les dieux. Ouais. Et petit à petit, on s'est dit que ça devenait intéressant de représenter les dieux, faire représenter les dieux par des hommes. Et petit D'accord. à petit, on en est arrivé au théâtre. D'accord, ok. Et donc, justement, le tragique, pour les Grecs, et petit à petit pour la littérature occidentale aussi, c'est un destin assigné par les dieux auquel on ne peut pas se soumettre. On ne peut pas se soustraire. Voilà, excusez-moi. D'accord. Et donc, on sait que ce sont les dieux qui nous obligent à vivre ça. On ne sait pas vraiment vers quelle fin ça va aller, mais on n'a pas le choix et on doit s'y soustraire. D'accord. Par exemple, dans Phèdre de Racine, quand Phèdre dit « Mon mal vient de plus loin » à propos de son amour pour son beau-fils, d'accord. Elle sait que c'est Vénus qui s'en prend à elle par vengeance. Yes, d'accord. Donc en fait, les hommes sont sacrifiés sur l'autel des dieux dans le tragique. C'est ça c'est exactement le principe. Ça. C'est que comment la phrase de Shakespeare déjà là, ils nous font souffrir pour leur loisir. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Alors après, merci Flavie pour ça c'est pour la tragédie. Là ça c'est pour la tragédie grecque. Donc, Flavie, et par extension française chez Shakespeare que je connais moins bien parce que c'est un auteur anglais et que je suis plus spécialiste de littérature française. Je pense qu'il y a peut-être un peu moins cette dimension-là de destinée voulue par les dieux, en fait. C'est plus, ils nous font souffrir pour leur sport, je crois, un truc comme ça. Sous-entendu, peut-être. Sous-entendu, c'est pas forcément les dieux, mais c'est des puissances autres. Nous sommes autres, que des jouets au service des puissances supérieures, quoi. En fait, il y a eu tellement d'auteurs qui ont parlé de ça qu'on peut en citer pendant... Ouais, oui, c'est clair. Mais j'aime bien l'idée que dans une œuvre tragique... le malheur ne vienne pas de soi-même, qu'il vienne de l'extérieur. Moi, d'un point de vue, purement extérieur, c'est-à-dire que moi, j'ai pas étudié la littérature, je me contente d'en lire. Moi, ma vision, le tragique, en fait, c'est quand quelqu'un s'en ramasse plein la gueule alors qu'il a tout fait, soit pour éviter le truc, soit pour éviter de souffrir. C'est ça. Et donc après, il y a ce qu'on appelle l'ironie tragique, où un personnage va causer son propre malheur. Et en général, la vraie ironie tragique, ça veut dire que le public est au courant, mais pas le personnage en scène. D'accord, ok. Et donc, par rapport à Sens Mort, tu contesterais le fait qu'il s'agisse finalement d'une tragédie ? C'est ça ? Alors en fait, bah, du coup, je vais être obligée, j'avais prévu de faire une comparaison avec Sens Néant. D'accord. Parce qu'en fait, quand on ouvre une tragédie, estampillée tragédie par son auteur, etc., ouais. En général, déjà, c'est tiré d'un mythe connu. Phèdre, on connaît l'histoire parce que c'est une légende grecque, un mythe grec, donc on connaît la fin. D'accord, ok. Et Sens Néant, c'est un peu, j'ai l'impression, enfin parce que j'ai pas encore fini, mais c'est un peu l'impression que j'en ai. On sait que les sept entraves vont mal finir, et donc on va juste voir comment ça va aller jusqu'à cette fin-là, qu'on D'accord. connaît à peu près parce qu'on a découvert les vestiges, etc. Tout à fait. Dans Sens Mort, on nous a annoncé au début que c'était tragique, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va mal se passer. On ne sait pas quels personnages vont mourir, quels personnages vont nous être enlevés. Et en plus, non seulement on ne sait pas, mais j'ai l'impression que, en tout cas, Adrien, c'est comme ça que tu l'as mené. Même toi, il y avait des moments où tu ne savais pas exactement sur quoi tu allais nous faire souffrir, en fait. Adrien. Alors, effectivement, les éléments principaux sont connus parce que ça fait partie de la campagne, ça fait partie de la chronique. Mais ensuite, en tant que tragédie, et vu que les personnages des joueurs sont aussi des acteurs de cette tragédie, ouais. Je ne savais pas tout à fait comment j'allais les faire souffrir, parce que taper sur leurs amis, etc., c'est aussi un très bon moyen. Et ça, ben, ça dépendait du moment, des liens, de ce qu'ils ont décidé de l'envie, de faire. Ouais. De... Et donc, du coup, tu... Flavie ? Ouais, moi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que là, on touche quelque chose qui est très... Adrien, Natacha ? Natacha. Et Adrien aussi, du coup. Je pense qu'il y a une grosse différence entre le tragique dans quelque chose qui est déjà écrit D'accord. et le tragique qu'on va jouer à une table. C'est-à-dire qu'il y a une partie du tragique de Sens Mort qui, du coup, oui, est écrit parce qu'on sait que certains des gros persos vont mourir, mais on ne peut pas gérer le tragique à l'avance de ces persos, à moins qu'on soit vraiment hyper tyrannique comme MJ, puisqu'il faut aussi voir ce que eux vont construire. Donc je pense que même si on se donne la base que eux, je vais leur pourrir un peu la vie, faut quand même, quand on est en jeu de rôle, se laisser de la liberté, sinon ça sert à rien de jouer. Et que du coup, la tragédie pour des personnages joueurs ne peut pas être traitée de la même façon que la tragédie pour les personnages non joueurs. Natacha. Ouais, je suis assez d'accord. Et alors là, du coup, je pense que l'exemple sera plutôt sur l'autre table, où ils en ont pris plein la figure, mais ils ont quand même fini par sauver les personnes qu'ils voulaient sauver parmi les PNJ. Je pense à l'amoureux du personnage de Lalette. Alors déjà, est-ce que vous avez ressenti la tragédie, Natacha, dans votre partie de Sens ? Est-ce que toi, tu as ressenti l'aspect tragique de Sens Mort ? Et si oui, où est-ce qu'il se situe selon toi ? Pas la tragédie au sens où moi je l'entends, en fait. Moi j'ai eu l'impression de me débattre et de pas, et c'est ce que je pense que c'est voulu, hein. J'ai eu l'impression de me débattre et de pas, de pas avoir de prise sur ce qui se passait vraiment. D'accord. Ouais. Et ce qui était frustrant, mais c'est ce qui bloquait mon jeu aussi, enfin mon immersion et mon jeu aussi, c'est que je savais que j'allais pas avoir de prise. Et du coup, j'avais juste envie de laisser tomber, quoi. Mais gros problème. Ça. Ouais. Mais en même temps, alors dans l'autre sens, c'est justement peut-être parce que j'étais trop immergée que ça m'a trop touchée. Et c'est la différence. Encore une autre différence avec Néant, c'est que Néant, il y a une mise en abîme supplémentaire qui nous donne une distance supplémentaire. Alors que on a une distance en moins dans Mort qui fait qu'on ressent plus et on vit plus les choses. Je reconnais un petit peu dans ton discours. Ah, est-ce que Mr. Prez a joué avec toi ou pas, Natacha ? Non, on n'est pas sur la même table, non. Parce que Mr. Prez m'a dit à peu près la même chose, finalement, dans un podcast précédent sur Sens Renaissance, où il me disait, du point de vue des joueurs, ce qu'il avait ressenti. Il avait ressenti que, finalement, le script du jeu, donc toutes les scènes un peu scriptées, si j'ose dire, les cinématiques, parce qu'il oui, y a ça, une ouais. espèce de dimension cinématique. En fait, Sens, au niveau de la structure, est très proche d'un jeu vidéo. Où t'as énormément de liberté, t'as énormément de liberté dans un cadre donné, et il y a toujours un espèce de passage obligé où là, bon bah voilà, on rentre dans une autre, dans un autre cadre, dans un autre contexte, et là dans ces passages là, il y a des scripts, il y a un script en fait qui peut quasiment pas être arrêté. Ouais, c'est ça. Globalement, le joueur va pouvoir appuyer plus ou moins frénétiquement sur les touches sans vraiment changer ce qui va se passer. Sans vraiment changer ce qui va se passer, voilà. Mais ça fait partie aussi un peu du contrat social toboggan. Oui, de sens. Et puis c'est un truc qu'en général les joueurs acceptent assez bien. Ou dans votre table, Natacha, je pense que j'ai dû en discuter en disant voilà, telle scène. Alors en fait, moi je pense que. Il y a une habitude à prendre en fait. Et la première scène, moi, qui m'a vraiment frustrée, c'est le départ de Wilfried. Bien sûr. Ouais, et autant là, j'ai été vraiment, mais j'étais complètement folle à la fin de la partie. Autant j'espère que voilà vraiment les gens qui nous écoutent ont vraiment autant sur la mort de Solipsis, je l'ai mal vécu parce que j'étais immergée, mais bon voilà, comme c'est le contrat social et j'ai compris que c'était une cinématique et il y a pas de souci quoi. D'accord, ok. Mais est-ce que tu as vécu le truc quand même de façon immersion ou non, ça t'a fait sortir le script, t'a fait sortir du jeu? C'est ça la vraie question. Sur laquelle des deux scènes? Sur les deux, la première. Bah, ça Wilfried, t'a fait sortir du jeu? Ça t'a fait sortir du jeu, vraiment? Enfin, ça m'a pas fait sortir du jeu, parce qu'en plus, c'était la toute fin. Et voilà, mais j'ai quasiment arrêté de prendre la parole, sur cette scène-là, en tout cas. D'accord. Et Solipsis, non, pas du tout. Solipsis, au contraire... Je passe la parole à Flaï, je te repasse la parole à Adrien. Je pense aussi, du point de vue de la tragédie dans Sens Death, et je vais expliquer mon propos après, je pense que cette tragédie et ce côté un petit peu... t'essaies de combattre une destinée, elle est amenée aussi par l'atmosphère et l'ambiance générale qu'il y a sur la lune en fait. Parce que moi je sais que quand les premiers scénars que je fais jouer à Sens Mort sont quand même très glauques, montrent bien qu'en fait les gens qui sont sur Séléné sont vraiment attachés, sont vraiment dans une emprise. Et à chaque fois, ça va être quasiment impossible en fait de les faire bouger. C'est-à-dire que la chose pour laquelle les bugs sont là, c'est-à-dire faire bouger Séléné, paraît dans les premiers épisodes que je fais jouer. Je dis épisode parce que moi, je le considère vraiment comme une série quand je le fais jouer. Oui. J'ai ce ressenti là aussi. Généralement, en fait, c'est un truc sur lequel j'aime appuyer pour qu'ensuite mes joueurs soient un peu dans cette optique-là et essayent de se débattre. Et je sais que moi, j'ai eu des joueurs qu'on réagit de façon extrême. Je pense notamment à Thomas qui a vraiment du coup son personnage a pété les boulons dès le premier ou deuxième scénario. Ouais, parce que c'est une atmosphère très très pesante et les joueurs on se dit j'ai pas envie de vivre la même chose qu'eux, mais en même temps il y a une partie d'eux qui se disent mais je vais le faire quand même quoi. Ouais, c'est ça. C'est Adrien. Alors moi je rebobine un petit peu, c'était sur les propos de Natacha. Donc en fait les deux scènes dont elle parlait, le départ de Wilfried et la mort de Solipsis, je les ai faites jouer de façon très différente. C'est-à-dire qu'en fait au début, je pense, sur la scène de Wilfried, je me suis clairement dit, je vais donner aux joueurs l'impression qu'ils ont un contrôle sur la scène. D'accord. Ouais. Donc du coup, le problème en tant que MJ, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues entre personnages non joueurs, et du coup, c'est vrai que c'est tout le temps des cinématiques. Dans le livre. Voilà, dans le livre. Ouais. Et du coup, j'avais envie de rendre ça vivant, et du coup, de laisser aux PJ leurs mots dans le dialogue. Même si l'issue serait aussi inéluctable. Bien sûr. Et du coup, les joueurs se sont investis à fond, sortis des bons arguments, vraiment discuté pour une situation qui était insoluble. Ouais. Pour la mort de Solipsis, je l'ai joué de façon plus cinématique. Ouais. Et donc, vous arrivez, c'est déjà enclenché, vous avez aucune. Alors, c'est pas que ce soit déjà enclenché, c'est que je les ai pas spécialement. Enfin, je leur ai laissé dire quelques mots, tout ça, mais globalement, c'était un dialogue entre l'aiguilleur et Finlongfinger. C'est exactement comme ça que je faisais jouer mes cinématiques. Sachant que nous, en plus, avec Cédric, on avait une sorte de code. Pour les cinématiques, en fait, visuellement, on disait, là, c'est une cinématique, vous pouvez rien faire. En gros, on était vraiment parti dans le trip du jeu vidéo où, là, vous êtes arrivé à un moment donné où, de toute façon, vous pouvez rien faire. Donc, n'oubliez pas, c'est normal, ça fait partie de l'histoire. J'y suis revenu à cette technique-là, parce que c'est ce que je faisais pas en Renaissance. Hein, mais en fait, dans Mort, j'estimais que, justement, donner cette impression d'espoir aux bugs était un moyen de détruire, justement, leurs espoirs. Et je pense que c'est important. Moi, je l'ai fait pas mal comme ça, dans Sens Mort. Et je pense que c'est important, moi, qui est... Je vais pas faire de spoiler, vous inquiétez pas. Je sais que vous avez l'habitude, mais je fais pas de spoiler. Moi, j'ai joué Cosmo, et le fait, du coup, d'être emprisonné dans Mort... fait que du coup dans Cosmo le moment où tu peux te lâcher mais genre t'as une impression de tout puissant c'est et puis comme t'as été frustré dans tout Mort mais juste t'as juste envie de leur défoncer la gueule c'est et tu le énorme, fais en quoi fait. Ouais j'ai eu ce ressenti là sur Néant, c'est que en ayant été sous tension pendant toute la campagne de Mort, enfin je finissais les scénarios, j'arrivais pas à dormir la nuit suivante, enfin Et ça, c'est un compliment. Hein. Je suis contente d'avoir chamboulé la tête. Sur Néant, et je te l'ai dit et je te le redis, j'ai vraiment eu l'impression de partir en vacances, quoi. Je relâchais la pression. Au pays des papillons. Oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. Et c'était, pour moi, c'était la colonie, c'est des, le calme la colonie avant de la tempête, vacances. Des... Natacha. Oui, d'accord, mais du coup, en fait, c'est là où je me suis dit aussi, bon, bah, on en a vu de toutes les couleurs sur Mort, mais au moins, on a la relâche après, quoi. Ouais. Donc, ça vaut le coup. Aller jusqu'au bout de Mort. Ouais, mais il y a aussi un autre aspect, du coup, de vraiment plonger tes persos dans un aspect vraiment tragique dans Mort. C'est que, du coup, ils vont devoir s'investir dans un autre espace de liberté qui va être leur propre histoire. Ouais, et je pense que c'est un des moments où les joueurs ils construisent le plus leur histoire pour ensuite l'élaborer après. Tout à fait. Le système les encourage à le faire, ouais. Puisqu'il y a l'apparition de ce fameux système de liens qui te permet justement de te lier et de voir tes liens augmenter et donc la souffrance aussi de fait augmenter également. Ouais. Donc, du coup, ça c'était le deuxième acte. J'avais juste envie de terminer donc sur le premier, sur comment faire jouer ces scènes cinématiques, parce que c'est quand même un élément qui va être très important. Ouais. C'est enfin moi je vous conseille de commencer comme je l'ai fait, c'est-à-dire vraiment de donner leur l'illusion qu'ils ont un contrôle et après discutez-en avec eux. Ceux qui auront eu l'impression vivre à fond. Je suis pas d'accord avec toi, Adrien. Mais parce qu'en fait, par exemple. Moi, j'irai pas au clash. Hein. Je dirais directement, c'est une cinématique. Ah ouais. On va jouer. Bah ouais, parce qu'en fait, tu risques vraiment de dégoûter des gens, même du fait qu'il y ait des cinématiques. Le fait même qu'il y ait un script et une histoire va les dégoûter, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sachant qu'encore une fois, le plaisir qu'on a dans Sens, c'est de découvrir, c'est ce que Fabien Hildwein appelle à juste titre, à mon avis, la fascination-rétention. Rétention-fascination. Voilà. C'est l'idée qu'il y a plein de choses derrière tout ce qu'on découvre et qu'au fur et à mesure, on va en prendre plein la gueule, on sait qu'on y va, quoi. C'est un petit peu ce qui se passe aussi dans une campagne très connue qui est la campagne de l'Orient Express, donc Toulouse, qui est très linéaire, très toboggan. On assiste à une succession de scènes, mais à chaque fois, on s'en prend plein la gueule, on apprend plein de nouveaux trucs, on récupère plein d'artefacts qui nous permettent de devenir de plus en plus forts et jusqu'à la révélation finale. Et c'est juste ça. C'est, voilà, moi, c'était vraiment le modèle là que j'avais en tête, si tu veux, parce que c'est mes campagnes D'accord. préférées. Donc, moi, pour moi, l'erreur de le script, c'est pas un souci, si tu veux. Tu peux dire dès le départ, bon, bah voilà, telle scène, là, elle concerne des gros PNJ. Ça vous limite, certains vont se sentir concernés, d'autres pas concernés. Voilà, vous assistez à ça, point barre. Après, à vous d'en tirer des conséquences en tant que perso et justement avec ces liens dont parle Fly qui permettent de mesurer l'intensité. Okay. Moi, je sais pas. Ouais, parce que toi, t'aurais préféré mais en fait, confisquer la liberté des joueurs. Vu que les autres joueurs sur la table, rien. Ça ne leur a pas posé problème. S'il n'y avait pas eu Natacha et que ça avait gêné, j'aurais continué comme ça parce qu'en fait c'était un moyen de rendre le truc hyper vivant. Enfin, vraiment, les joueurs ah oui, se sont d'accord. Donnés à ah, d'accord. fond. Parce qu'à part Natacha, personne n'avait compris que c'était alors, le script. Si, ils l'ont vu. Enfin, ils l'ont. Parce que Mr. Prez, alors je te dis ça parce que tu veux, Adrien, parce que du coup, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Alors, j'avais ça, pas compris. Ça, c'est que Mr. Prez m'avait dit qu'il avait ressenti. Mais Mr. Prez jouait sur ma première table. D'accord. Là, c'est, ouais. Je parle de ma seconde table. Où, du coup, j'ai fait ça. Et à part Natacha, effectivement, les autres n'ont pas eu cette frustration terrible. Alors, ça, c'est clair. Donc, Adrien a raison. Tant que vous pouvez maintenir l'illusionnisme, c'est-à-dire c'est l'illusion, maintenez-la. Si ça passe, bah, discutez-en. Voilà, et à ce moment-là, dites-leur, OK, je vous annoncerai les cinématiques. Bah, si ça passe, maintenez l'illusionnisme. Et sinon... Ah d'accord, OK, excuse-moi. Ouais. Natacha. Alors oui, moi, je tenais juste à préciser que c'était peut-être possible parce que j'étais joueuse débutante et que... Et que tu prenais tout plus à cœur. Ouais, je sais pas. Peut-être. Enfin, ça sert à rien de lier ça à débutant. Faut juste se dire voilà oui, si un joueur ça bloque. Mais ressent comme moi peut-être que alors justement effectivement. Mais tu sais, c'est je pas pense de que dans le jeu de rôle, nous on n'était pas forcément débutants, mais on a pris les choses vraiment à cœur. Ouais, puis tu vois, Natacha connaissant sa personnalité, enfin je pense que c'est normal quoi. T'es à fleur de peau et elle s'enflamme. Ah ouais, non mais c'est cool quoi. Enfin tu prends bien les trucs dans la tronche. Si ça peut te rassurer, moi j'ai pleuré à la mort de Solipsis. Ouais bah j'en étais pas loin. Wilfried à la mort, au départ de Wilfried, t'as le personnage de Céd et moi qui poussions. Dans le truc genre non c'est pas possible tu vois. Ouais, non mais j'ai hurlé pour la mort de Solipsis de et j'étais pas loin des larmes aussi et il y a un autre moment où j'ai pleuré mais je sais plus mais bon, sans pour les usines non mais c'est dans Néant que j'ai pleuré. Alors avant de repartir sur cette histoire de lien, il y a un truc sur, à mon avis, dont on n'a pas encore assez discuté, qui a été vraiment bien ciblé par Fly, mais ouais, merci. C'est cet aspect infernal, c'est-à-dire on est comment s'appelle c'est l'aîné dans Sens Mort, c'est l'enfer. On est dans Sens Mort, le monde des morts, l'enfer. Donc on apprend, tu comprendras si ce n'est pas déjà fait, que dans Sens Néant, la mort est liée à un élément qui est le feu. Et donc, du coup, tout ça, c'est lié, bien sûr. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, on est dans l'enfer, on est enfermé. L'aspect que tu soulignais, Flavie, c'est l'aspect l'ambiance. Tragique. Oui, ouais. Il est là, en fait, pour moi, Natacha. C'est ce qu'a dit Flavie à propos de cet enfermement dans une société qui d'accord. te détermine. La tragédie, toi, tu dis, oui, elle provient des dieux. Soit, mais elle peut aussi provenir d'un système social, d'un système économique, ouais, mais alors là, d'un système de jeu. On n'est plus dans la tragédie littéraire, c'est ça. Ah, voilà, mais justement, on est dans un jeu de rôle. Oui, alors d'accord, mais... Je suis pas tout à fait d'accord, parce que pour moi, la tragédie qui intervient via les liens, Adrien. C'est une tragédie qui est amenée par le MJ en position de dieu pour ses joueurs. Alors, ok, d'accord, ouais, c'est vrai. Mais alors moi, je parle juste de l'univers, là. Pour l'instant, avant de rentrer dans le système de jeu. Enfin, moi, perso, enfin, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, à chaque fois que j'ai lu tu essayes de dire le nom. Romaric. Voilà, parce qu'on ne sait pas. C'est vrai, nous ne sommes pas encore en film. À chaque fois que j'ai lu des tragédies. Nous ne le serons jamais, Fly. Je sais. À chaque fois que j'ai lu des tragédies, certes, la personne vit une tragédie, mais généralement, tout le monde se désole un peu de l'aspect destin, du carcan des dieux, etc. Je veux dire, certes, on suit une destinée bien précise, mais tout le monde est sous l'emprise de cette destinée qui a été décidée pour tout le monde. Et je trouve que dans Sens Mort, le fait qu'il y ait ce décor-là qui soit très, très pesant, ouais. ça annonce la couleur, quoi, clairement. Mais oui, mais moi attends, je vais plus loin. C'est-à-dire, le décor, c'est Dieu. C'est-à-dire que dans Sens, comment est décrit Sens ? Il est décrit comme étant le monde. Et dans Sens, dans l'enfer en fait, qui est décrit, l'enfer qui est décrit dans Sens Mort, il est vraiment la tragédie au sens où elle l'entend. Pour elle. Avoir vraiment Dieu, participé à l'écriture du coup pour le coup des corps, hein, vu que c'est moi qui les ai écrits. Les fragments. Moi, à chaque fois, c'est ça qui est marrant, c'est que j'avais, par exemple, le supplice de Tantale en tête ou des trucs comme ça. Ouais. Par exemple, pour le réverbère, moi, j'avais l'image des gens qui poussent une pierre et qui retombent. Et l'horlogerie. Quand on lit, par exemple, la description que tu fais des fragments dans Sens Mort, c'est une horloge. C'est-à-dire que tout est réglé, millimétré, les gens sortent, les gens rentrent, c'est Koyaanisqatsi, bien sûr. Mais pour moi, c'est pas ça qui fait une tragédie. Non, mais ça crée un décor. C'est juste un décor pour moi, tout ça. Koyaanisqatsi, film de Godfrey Reggio, trouvable sur, je pense... Ah, quoique, il ne doit plus être trouvable sur YouTube maintenant. Avec la musique de Philip Glass. Il est sorti en DVD récemment, vous pouvez en retrouver une version refaite. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est énorme. Et c'est une des principales sources d'inspiration de Sens Mort. Ça a complètement nourri mon imaginaire pour Sens Mort. Une fois que je l'ai vu, je ne voyais plus que les décors de Koyaanisqatsi. C'est marrant parce que quand je les ai écrits, en fait, j'ai pas du tout eu ça en tête. Pourtant, il y a ce mécanisme d'horlogerie dans le jeu. Il changera le jingle du podcast par un petit peu de Philip Glass. À la fin. Je crois pas que ça ira avec le ton débonnaire et bonhomique. Oui, non, c'est trop déprimant. C'est trop déprimant. Koyaanisqatsi, putain, des mecs. La tragédie, on connaît pas. Sur la cellule, on en parle beaucoup, mais on la vit. Au-delà de l'ambiance, c'est vrai que la tragédie doit être vécue par les personnages, mais je pense que c'est bien de poser, notamment en jeu de rôle, c'est important, de poser une ambiance qui va amener ensuite le joueur à vouloir explorer quelque chose. Ouais, bien sûr. Mais alors pour moi, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure en parlant des points, en évoquant les points de lien. Pour moi, les deux aspects tragiques que sur lesquels je joue beaucoup, c'est Adrien. Comment jouer ces scènes justement de cinématique, c'est le premier point. Et la deuxième, c'est faire mal aux joueurs, non pas en leur tapant dessus, mais en tapant sur leurs liens. C'est ça. En fait, le tragique en tant que je subis le destin des dieux, c'est je suis ballotté à gauche à droite. Donc ça, c'est via les cinématiques, via la campagne principale. Mais c'est aussi au quotidien, mes proches souffrent et compagnie. Et ces proches, c'est ceux qui apparaissent par les liens. Et donc, notamment, ça va être le PNJ auquel toute l'équipe est attachée, mais qui apparaît pas du tout dans la base. C'est leur pilote de sous-marin de tout renaissance, sur lequel les joueurs savent que je peux taper. Ils le savent. Je l'évoque de temps en temps. Donc, quand tu dis... Tu laisses surtout évoquer avec moi, mais... je mets une scène où... Il y a une scène où ils font des trucs d'animation, tous de soulèvement de quartier, etc. Et le personnage se trouve seul pendant un moment. Et là, tout d'un coup, ils se posent tous la question, est-ce que... il va lui arriver quelque chose ou pas. Et c'est ça, pour moi, le gros aspect tragique. C'est pas tant le décor. Le décor va servir, on va dire, de bac à sable, de où s'amuser. Ouais. Le vrai tragique, ça va être comment on va se servir des pions qui existent pour taper sur les joueurs. D'accord. Donc, en fait, c'est le système de liens pour toi qui introduit vraiment le tragique. Oui. D'ailleurs, vous noterez lien, être alors, attaché à, tout ça, ça fait aussi penser à l'enfermement. C'est aussi du lexique de l'enfermement et de la servitude et de la prison. Et alors, du coup, là, ce, que je pense, ce à quoi je suis en train de penser, c'est que si on veut en plus vraiment faire du tragique au sens littéraire occidental du terme... Il faut que tu couches avec ta mère ou ton père Je sais pas, mais en tout cas, il faut que... Tu sois à l'origine de. Il faudrait que tu sois à l'origine de ce qui arrive au PNJ auquel tu es attaché en fait. C'est pour ça que notamment la scène dont je parlais, c'était ils ont créé une sorte de radio pirate où ils diffusaient de la musique venue de la Terre, etc. Des émissions révolutionnaires. Adrien. Et Julien, leur ancien pilote de sous-marin, était devenu leur DJ, leur mixeur et voilà le gars qui était derrière les platines, on va dire. D'accord. Ouais. Et il y a une scène où l'Omicron découvre le point d'où ils émettent. Et donc, du coup, ils ont moyen de tomber sur Julien. Et ils frappent fort. Non, mais alors, ils n'ont pas frappé, ils l'ont pas trouvé. Voilà. Mais juste le fait qu'ils puissent le trouver et que ce soit à cause de leur radio, c'est un peu ce que dit Natacha au final. C'est qu'ils sont. C'est les propres actions du personnage qui. Dans la tragédie donc, littéraire, le personnage est responsable de. C'est très souvent le cas. Ou alors, un de ses proches, ou alors il agit sur le conseil d'un de ses proches. Alors, c'est pas paradoxal avec la définition que tu en donnais par rapport au fait qu'il soit subi par. Oui, les... mais c'est. En fait, c'est. Si tu veux, c'est sur plusieurs plans. T'as le personnage qui subit la tragédie. Mais c'est les dieux qui la lui font vivre. Voilà. Bah, par exemple, c'est compliqué, mais je vois ce que par exemple, Oedipe, c'était écrit, il y a une prophétie qui dit qu'il va tuer son père et coucher avec sa mère. Mmh. Mais c'est en voulant l'éloigner de chez lui que ses parents créent en fait la situation où il va pouvoir justement tuer son père et coucher avec sa mère. Ouais. Voilà, ils sont responsables de leur. C'est comme dans Star Wars. Mais plus t'essayes d'empêcher ta nana de crever, plus tu vas la faire crever. C'est ça. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu crois que le gars qui jouait Oedipe s'est rendu compte qu'il se faisait complètement manipuler par son MJ? Je pense qu'il. Ouais. À la fin, il se crève les yeux. Bah, il fait l'enquête pour trouver qui a tué son père. Donc. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai mis cette dimension tragique? C'est parce que je voulais. Enfin, pourquoi est-ce que j'ai mis dans la base qu'il y avait cette dimension tragique? Je voulais que le maître de jeu prévienne ses joueurs de l'aspect extrêmement pénible en termes d'évolution du personnage de sens mort. Moi, mon schéma narratif, il est clair, c'est celui de quasiment celui de, à peu de choses près, celui de Star Wars, la première trilogie. Ouais, et de beaucoup de contes, histoires, aventures. Voilà, tout à fait. Enfin, c'est un... Tout à fait. Ouais, une première partie assez introductive dans laquelle les héros émergent et gagnent. Une deuxième partie où les méchants reviennent et où ça franchement ouais. Ils explosent à fond les PJ. Et puis ils souffrent. Et ma foi, la troisième partie. Un interlude à Saint-Tropez. Et puis après, on va blaster. La troisième partie, je n'en dis pas plus, mais ça blaste pas mal. Donc, en gros, les héros reviennent. Mais ce qui est important, c'est de se dire que vous allez subir. Moi, ce que je voulais dire dans cet aspect tragique dans l'appendice, c'est vous allez subir des choses, mais rassurez-vous. C'est pour mieux renaître. C'est-à-dire, oui, et puis en plus, il y avait un autre aspect. Bon, comme je disais, moi qui ai fait les campagnes, je rassure encore, pas de spoiler. Mais comme on s'en est pris plein la gueule dans Mort, dans Cosmo, on avait tellement envie de prendre notre revanche qu'on s'est encore plus impliqué. C'est-à-dire qu'on arrivait avec des schémas de trucs qu'on avait construits. On se mettait à deux pour mettre en place des choses dans le truc. Des choses dans le dans truc. Des choses dans le truc. Qu'on avait construit. Bien, le retour de la langue de bois sur le podcast de la cellule. La langue de bois. Pas aucun spoiler là. Mais écoutez, j'ai peur d'en faire. On a fait une campagne de bidule avec machin et bidule. Et donc à ce moment-là, il a fait ce truc. Non, mais par exemple, Bobo, je peux pas dire ce qu'il a fait parce que sinon c'est foutu. Je peux pas dire ce que moi j'avais fait sinon c'est foutu. Non, mais bien sûr, pas de problème. Et comme j'ai promis de pas faire de spoiler, en gros, on arrivait avec vraiment du matériel, du background en fait. Ouais, du background. En fait, j'ai un ami qui s'appelle Karim qui écrit des scénarios de Shadowrun. Et qui me dit, il y a deux types de personnages. Il y a les personnages dont l'histoire est derrière eux et les personnages dont l'histoire est devant eux, en termes de PJ, hein, en termes de joueur. C'est-à-dire que souvent, lui, quand il écrit quand il voit le personnage d'un joueur, il propose deux types. Soit t'as l'histoire derrière, soit t'as l'histoire devant. Moi, par exemple, dans Shadowrun, j'avais choisi d'avoir mon histoire derrière, donc j'avais un gros passé et tout, et c'est ce passé qui faisait que j'étais investi dans l'histoire et que je me construisais un tant bien que mal un présent. Et d'autres, dans l'histoire, il avait laissé plein de traces, en fait, dans l'histoire, plein de préparations pour que eux, ils vivent l'aventure. Je sais pas comment dire. Il y a exactement la même chose dans Dogs in the Vineyard. Tu peux choisir plusieurs types de personnages et il y a un archétype où t'as l'histoire devant toi et un autre où ils disent t'as un passé lourd, t'as un passé chargé. Oui, c'est vrai. Et donc, je trouve que cette distinction est pas mal. Ce qui est bien, c'est que dans Sens Cosmo, l'histoire des personnages, elle est derrière eux. C'est-à-dire qu'ils ont, ça y est, ils ont morflé, ils ont vécu. Il y en a qui ont l'œil en moins, il y en a qui ont perdu leurs proches, mais tous ont des comptes à régler, quoi. Et le moment où on résout, c'est juste, voilà, c'est le feu d'artifice, quoi. C'est le moment où tu résous les problèmes. Du coup, c'est le moment où tu as envie de tout résoudre et où, du coup, tu vas encore plus t'investir parce que tu sens qu'en plus, là, le destin, et c'est toi tu peux en prendre le contrôle de ce destin-là. Donc, du coup, tu as envie d'y aller, quoi. Logiquement, Cosmo est quand même moins scripté en termes de. Oui, carrément. Mais il reste quand même dans la manière dont les ennemis, les choses sont exposées. Ouais, parce que si tout d'un coup les bugs décident de rester sur Terre pour profiter de leurs vacances, Cosmo, ça va être un peu chiant, quoi. Tout à fait. Mais bon, là, ça serait peut-être une rupture du contrat aussi. Un petit peu. Ouais. Puis de toute façon, après ce qu'ils ont vécu dans Sens Mort, il y a personne à la table qui voulait faire une pause et rester sur la lune, en fait. Tout le monde avait envie de régler ses comptes avec le tyran. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Alors, les côtés critiques un petit peu négatifs par rapport à tout ça, Natacha. Non, bah, globalement, ce que j'avais à dire a été dit. C'est juste. Que toi, tu trouves que. Peut-être j'ai eu tort d'appeler ça. C'est pas que t'as eu. Non, c'est pas. Non. Ouais, je sais pas, où il y a une nuance à mettre, peut-être. Ou... Du drame, peut-être. Ouais, peut-être. De la tragédie. Peut-être. Quelle serait la différence plus... Alors, drame, moi j'ai commencé à étudier ça l'année dernière. Donc, et j'en avais trois au programme cette année à la Greg. Donc, non, j'en avais un surtout, en fait. Oh là là, on va lui faire ressurgir des trucs de la Greg, alors là. J'en avais un surtout. Pauvre. En fait, drame, c'est un truc. Alors, c'est un genre qui est plutôt né au 19e siècle en France. En France, il est né au 19e siècle. Après, d'accord, je sais pas ouais. si. Et donc, c'était les romantiques qui voulaient se libérer des contraintes du théâtre classique, donc de la tragédie entre autres. D'accord, ouais. Et plus s'inspirer de Shakespeare, justement. C'est pour ça que je faisais une distinction avec Shakespeare, entre Shakespeare et la tragédie française tout à l'heure. D'accord. Et donc, où il n'y aurait pas. Il n'y aurait pas ou pas forcément cette dimension des dieux et. On peut penser jusqu'au dernier moment que les héros vont s'en sortir. Plus terrestre, donc, en fait. C'est ça. Est-ce que le drame, ce serait pas le quotidien des Sélénites non-bugs ? Quelque part. Natacha. Alors, oui et non, parce que dans le drame, si tu veux, il peut y avoir des scènes comiques. Il peut y avoir des personnages qui sont complètement là pour des emplois comiques. Il peut y avoir des répliques qui vont faire rire dans le public, alors que dans le tragique, chez Racine, jamais, jamais il y aura ça. Il peut y avoir ça chez un metteur en scène contemporain, mais il ne peut pas y avoir ça dans le texte. D'accord, ok. J'ai vraiment la sensation que. J'ai pas tout compris, là. Cette histoire d'œil, là. Qu'est-ce que c'est? Je ne regarde pas. Non mais allô quoi. Alors c'est en fait je pense qu'il y a vraiment un aspect tragique dans Sens Mort parce que je pense pas que les gens soient enfin dans le drame il y a une notion de liberté qui n'est pas présente dans la population de Séléné parce que dans chaque fragment il est censé y avoir ce que j'appelle l'œil, c'est parce que tu jouais comme ça à l'époque où nous on a joué. Ah oui, exact. Mais où c'est chaque quadrilla qui gère son fragment. Il est réputé qu'en fait il surveille la population et la population sait qu'au moindre problème, c'est comme Big Brother, s'ils dévient un peu de ce qu'ils font habituellement, ben ils vont se faire rattraper. Et il y a vraiment, c'est pour ça qu'au début il y a que dans le globe, dans le fragment avec les nobles qu'on peut aller parce que comme nobles, il y a un petit peu plus de laxisme. En fait, le truc c'est que à la base chaque quadrilla de mort dans la version qu'ils ont joué à Rennes dirigeait en fait le fragment à l'aide d'une espèce de l'équivalent d'une glande pinéale en fait qui permettrait de faire la liaison entre l'ombre monde et le monde réel. Alors la glande pinéale génial, je te vois faire la grimace. Non, c'est un concept de Descartes qui permet de relier le monde des âmes et le monde des corps. Donc c'est en fait c'est une espèce de d'objet physique qui fait la causalité entre le monde des âmes et le monde physique, ce qui théoriquement n'est pas possible parce que quelque chose qui n'est pas physique ne peut pas causer quelque chose de physique. C'est un choc ontologique. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il y avait une espèce de liaison comme ça entre l'ombre monde et le monde réel qui était symbolisé par un œil rouge. D'accord. Qui était toujours qui était dans une grande tour en fait. Au milieu de tous les fragments, il y avait une grande tour. Et là, il y avait Frodon qui arrivait. Et ouais, mais, non, mais carrément. Et l'autre anneau, Frodon. Et en fait, du coup, il y avait cette surveillance en fait constante de l'œil des quadrillas. Ouais, et même si ça a disparu. Des préfets, ouais, et ça a disparu depuis. Donc là, c'est Harry Potter qui débarque. En qui fait. Représentait exactement. L'ordre de Mifus. Mais même si ça a disparu, c'est pour ça que quand j'ai écrit ces trucs, j'ai tenu en fait à ce qui est ce côté où tout était réglé, etc. Pour un peu remettre ça, genre qu'il soit toujours plus ou moins surveillé, ça devient très dangereux de faire une révolution. Dans la notion de drame, Natacha, il y a un truc d'intime. Il y a un truc intime. Il y a un truc qui te concerne toi. Il me semble que dans Sens Mort, c'est vraiment tragique parce que... Je ne comprends pas ce que tu entends par dans la notion de drame, il y a un truc qui te concerne toi. Il y a un truc intime, tu vois. Alors que dans Sens Mort, le déterminisme, il ne vient pas de tes relations familiaux, il ne vient pas de ton histoire personnelle. Dans Sens Mort, le déterminisme, il vient de toute une manière de voir le monde. C'est toute une manière d'organiser la société. Le drame ne me semble pas déterminé, Ah oui, alors le drame n'est pas déterminé. Voilà, ouais. Le drame n'est pas du tout déterminé. Pas déterminé justement, par les dieux, en tout cas. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, mais c'est pas intime non plus. Le drame peut venir de l'extérieur. Nous sommes en plein méli-mélo d'arguments, là. Ouais, Ruy Blas, par exemple, de Victor Hugo, il y a une partie intime parce qu'il est amoureux de la reine, mais son problème, c'est ses relations avec son maître. Mais tu vois, c'est pas, comment dire, c'est pas la société de consommation qui l'a poussé à faire tous ces actes. Dans Sens Mort, l'idée, c'est qu'il y a une société qui est totalisante, je sais pas comment dire, standardisée, c'est un monde désenchanteur. Tout ça, en fait, qui oppresse l'individu, si tu veux. Oui, alors oui, alors je comprends ce que tu veux dire. En fait, au final, Miphos, il s'en fout de ce qu'ils font sur Sélénée. Et c'est juste les Sélénites qui ont pris l'habitude de vivre comme ça, quoi. C'est ça ce que tu veux dire? Ben. Non, moi ce que j'ai la sensation que la tragédie, elle vient des dieux. Elle vient de l'extérieur, donc. Oui. Pas forcément. Si, ça peut être. Elle vient du monde. Alors, c'est ça. C'est-à-dire alors après. C'est... Oui, un monde déifié. C'est parce que après ça peut être une histoire familiale héréditaire si tu veux. Oui, tout à fait. Mais le drame, si tu veux, tu le contrôles quelque part. Il y a un côté, c'est toi qui. Ouais. Il y a des choses qui peuvent être. Il y a des choses qui auraient pu être évitées, ouais. Parce que dans Sens Mort, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que je soutiens que c'est c'est bel et bien du tragique dans Sens Mort. Alors, après, tu n'es pas obligé de coller une étiquette. Tu voulais y coller une étiquette pour. Y coller une étiquette. C'est négatif comme expression, mais tu voulais donner un code, si tu veux, de la même façon que Renaissance est épique. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, il fallait un registre pour il le. Il fallait un registre, c'est ça. Pour le guider. Tragique. Il est peut-être mal choisi, peut-être malheureux. Non, justement. Mais non, parce que j'en vois pas un autre en fait. Le problème, c'est ça le problème. Je vois pas un autre registre ou un autre genre qui pourrait le qualifier. Et. Ouais. Bah du coup, il y a pas de problème. Rien. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait. S'il y a pas de solution. Est-ce qu'on pourrait aussi considérer que. La tragédie a pu évoluer avec le temps et que du coup le canon est en train a pu quand changer. Ah oui, alors après tout à fait. Alors que les gens appellent tragédie souvent c'est pas la tragédie grecque. Hein. Mais bah oui voilà. Quand on dit que c'est tragique souvent on sous-entend plutôt les résultats de la manière dont ça arrive. Ni d'ailleurs la tragédie classique mais oui d'accord c'est bah enfin après si tu en redéfinis les codes toi moi il y a pas de souci mais en fait moi c'est pas tant le fait qu'il y ait cette étiquette là qui a été collée c'est que moi en tant que Bugs j'ai souffert et j'en ai marre quoi mais c'est surtout que la tragédie c'est un thème intéressant je trouve à jouer en jeu de rôle parce que c'est presque antinomique avec le principe de jouer un jeu de rôle. C'est-à-dire que dans le jeu de rôle, quand on est PJ, on est censé avoir un peu de liberté sur ce qui va se passer. On est censé être les acteurs du truc et sur le papier. Alors que bon, dans la réalité, on sait très bien qu'il y a pas mal de MJ illusionnistes et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que t'aies voulu l'appeler comme ça pour bien montrer qu'en fait, les espaces de liberté qu'il y avait n'étaient pas les mêmes que ceux qu'on pouvait avoir dans Sens Renaissance. Je sais pas si je m'exprime bien. Mais si, c'est ça. C'était parce qu'en fait, j'avais peur, en fait, à la base, j'avais peur que les joueurs le prennent mal, le fait que leur MJ cherche, en fait, que leur MJ cherche à leur faire du mal, en fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand même, le maître de jeu va chercher dans Sens Mort à faire du mal à ses, personnages. En fait, de façon plus générale, c'est qu'entre Sens Renaissance et Sens Mort, il n'y a plus le même contrat social. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pas possible parce que, c'est pas le même jeu, ça se joue pas de la même façon, les thématiques sont pas les mêmes. Ouais. Donc forcément, préciser aux joueurs à partir de maintenant, c'est tragique. Voilà. C'est un moyen de dire aux joueurs, on joue plus au même jeu. Exactement, enfin, c'est ça. C'est on, joue la même aventure, mais le jeu, la mécanique change. Voilà. Ouais, donc je pense que peut-être que je l'avais pas assez bien compris. C'est exactement ce qui, si tu réfléchis bien, c'est exactement ce qui se passe dans Star Wars. C'est-à-dire que entre le 4 et le 5. Sauf que Luke ne sait pas ce qui va lui arriver. Mais... Voilà, sauf que Luke ne sait pas ce qui va lui arriver, effectivement. Mais si tu veux, comme dans un jeu de rôle, pas un réalisateur et des acteurs. Luke, c'est pas toi, Natacha, qui joue à Sens. Luke, c'est ton bug. Adrien. Luke, c'est ton bug. C'est ton bug. Toi qui joues à Sens, c'est plutôt le spectateur qui va voir Star Wars. Marc Hamill savait ce qui allait arriver à Luke dans Star Wars 5. Et quand tu voyais la bande-annonce du 5, tu voyais très bien que il y avait moins de batailles spatiales et de combats au sabre et plus de d'un petit extraterrestre vert sur une planète marécageuse. Donc c'est ça en fait le truc, c'est qu'il faut pas. Il faut prévenir les joueurs dès le départ de manière à ce qu'ils se disent pas putain là sans ça fait chier, on s'en prend plein la gueule, notre MJ est trop con, tu vois. Il nous... Mais alors, à aucun moment suis dit ça. Non mais je pense qu'on se pose des. Enfin, c'est pas une question qui moi me paraît. Enfin, c'est intéressant, mais c'est pas hyper pertinent au final. Je pense que dire que ça fait partie du changement de contrat social, de dire que c'est dramatique, c'est intéressant. Moi, en tant que MJ. Les aspects qui m'intéressaient le plus, c'était plutôt sur comment l'amener ce drame. D'accord, ok, ça marche. Okay, enfin, parce que là, ça fait un moment qu'on tourne autour de la définition du mot. Ouais, d'accord. Maintenant, moi, je m'en balance un petit peu. C'est très bien, Adrien. C'est très très bien que tu dis ça parce que c'est vrai que là, on est en train de parler de pourquoi est-ce que moi, en tant qu'auteur. Alors, juste avant qu'on referme cette question, j'avais juste une question. Natacha. À la fin, le Sens porte un masque de théâtre japonais. Est-ce que du coup, ta définition, c'est pas Sens? C'est l'aiguilleur, mais... C'est l'aiguilleur, bon. Pardon. Donc l'aiguilleur porte un masque de théâtre japonais. Apparemment, j'ai compris que c'était les masques qui sont portés dans la tragédie japonaise, c'est ça? C'est pas vraiment ça. Parce que moi, alors là, par contre, j'y connais rien. Alors, j'ai vu deux pièces et c'était des comédies. Je serais bien incapable d'expliquer ce qu'est le kabuki. Moi, c'est pareil. D'accord, donc c'est pas voulu, c'est juste pas qu'il a la classe avec la tragédie japonaise. Non, pas du tout. D'accord, ok, non, bon, c'était juste ma question. Ouais. D'accord. La référence est bien ailleurs. Ah ouais, c'est vrai. En fait, c'est Kabuki Quantum Fighter. Absolument. C'est une référence à un jeu vidéo qui s'appelle Kabuki Quantum Fighter, qui n'a rien à voir avec. Et tu vois, c'est là, Natacha, ce que je te disais d'accord, hier soir. Oui, non, mais d'accord. C'est que mes références, elles sont pas là où on les cherche. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. C'est pour ça que je te posais la question. Ouais, voilà. Et donc, du coup, c'est un gars qui utilise cet avatar-là pour rentrer dans un ordinateur. Donc, c'est une histoire de réalité virtuelle et tout ça. Le jeu vidéo. Et voilà, le mec se bat avec ses cheveux. Voilà. Et le gameplay était génial. Donc voilà, c'est un jeu, machin truc. Et je me suis dit, putain, voir Sens, c'est âgé, quoi. Ça date maintenant, Sens, quoi. Et donc du coup, je m'étais dit, ah ouais, putain, ce serait classe d'avoir un personnage qui aurait cette apparence-là, etc. Puis bon, après, il se trouve que je me suis un petit peu intéressé à la civilisation japonaise et tout ça. Et puis ouais, le costume et tout m'a plu. Et c'était marrant aussi le décalage avec d'une autre civilisation. Et puis. Bon, je veux pas trop rentrer dans les détails sur le kabuki. Non, c'était juste pour savoir si c'était une référence à ça, et si du coup peut-être que la définition. Non, pas du tout. Voilà. Donc on a aussi un petit peu abordé comment on amenait un peu la tragédie. Attends deux minutes, j'ai été interrompu dans ma super transition par Natacha qui Excuse a voulu faire. Excuse me. C'est parce que Adrien a raison, c'est-à-dire que là jusqu'à maintenant on s'est concentré sur mes choix en tant qu'auteur et justification. Natacha est venue me poser des questions sur. Mais ce qui intéresse nos éditeurs en tant que maître de jeu de Sens, c'est comment maintenant amener cette tragédie, comment faire accepter aux joueurs cette tragédie dans Sens Mort. Alors Adrien. On l'a déjà un petit peu abordé auparavant. Moi je vais revenir juste, tout à l'heure on parlait du mot drame et vous disiez que ça n'avait pas trop sa place ici parce qu'il n'y avait pas de place pour le libre, enfin qu'il y avait dans le drame une place pour le libre arbitre et on pouvait s'en sortir. Et je pense que justement c'est là où les joueurs ont leur marge de manœuvre justement dans Sens Mort, c'est qu'une fois le fragment libéré, les humains dans ce fragment ne sont plus dans une qu'est-ce que tu allais dire j'ai le mot qui m'échappe et pourtant on en parle depuis tout à l'heure t'as le mot qui t'échappe dans une prison une larme Vous, auditeurs, si vous pouvez nous aider. Le thème du podcast. Dans une tragédie. Ouais, j'ai fait un déni, là. C'est bon, c'est parce que tu en as marre de voir le fragment libéré, ils ne sont plus dans une tragédie, mais dans un drame. Putain, en plus, je cherchais un truc technique. Ah, mais non, non, non, mais moi, j'étais comme un con bloqué sur mon mot, quoi. Mais finalement, c'était quoi le sujet, là? Et donc, ouais, ils sont plus bloqués dans une tragédie, mais dans un drame. C'est-à-dire qu'en fait, une fois le déterminisme des dieux enlevé parce qu'on a tué le Kadria, ils se retrouvent prisonniers de leurs habitudes à continuer à vivre leur vivre pitoyable et pathétique. Ah, ça, c'est vrai. Ça, y a un côté. Et justement, le dernier aspect pour moi, le dernier point où les Bugs ressentent ce côté tragique de Sens Mort, c'est dans leur combat pour essayer de réveiller cette population. Ils peuvent le faire, mais le début est tellement difficile. Et c'est rendre ça pesant tout en leur laissant une once d'espoir au bout du truc qui renforce encore cet élément-là. En fait, tu viens de me rappeler un truc essentiel, c'est que Miphos, à la fin de Sens Renaissance, dit bah voilà, maintenant, l'aventure qui attend vos personnages, c'est l'aventure d'un homme ordinaire dans une société de consommation ordinaire. Moi, je me suis raccroché à cette phrase pendant tout le long, en me disant bon ben voilà, si je laisse tomber, je vais jouer le jeu de Miphos en fait. Donc il faut pas que je lâche, même si j'ai très envie de lâcher. Tu continues à être un héros. Ouais. Et nous, c'est comme ça qu'on l'avait un peu pris aussi, c'est-à-dire que on s'était dit non, on sera pas des hommes ordinaires, on va être des héros et on va tous les transformer en héros. Et pendant tout le truc, même si on s'en est pris plein la gueule et tout, à chaque fois, t'avais quelqu'un à la table qui, au moment où on commençait à être un peu pesé par tout ça, genre, n'oubliez pas qui on est, d'où on vient. Nous, on vient pas de Sélénée. Nous, on en a toujours pris plein la gueule. Et eux, il va falloir qu'ils se réveillent et il va falloir qu'ils nous aident, quoi. Ça fait un peu Don Quichotte, en fait, quand j'y pense. Tout à fait. C'est les Bugs qui sont les héros qui viennent essayer de remuer des moulins à vent, exactement. Une société de consommation, une société... en fait, les Sélénites sont terribles parce qu'ils n'ont même pas... C'est même pas Cosmo et Rebirth qui a changé leur vie comme ça. C'est-à-dire ils sont juste enfermés dans leurs habitudes. Voilà, c'est ça. Ils sont même pas méchants, ces gens-là, quoi. C'est juste des gens qui ont des habitudes qui sont morbides, qui les poussent vers la zombification progressive de leur... l'esprit atrophié, quoi. Enfin, à force de penser toujours la même chose, de voir toujours la même chose, d'être toujours dans le même monde, de rêver les mêmes choses, et voilà. Donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile quand t'es un héros de combattre ça par le feu des armes, par. Puis surtout qu'ils sont pas mauvais. Parce que c'est un point sur lequel t'insistes beaucoup dans quelques conseils, des pistes de scénario ou autre. C'est systématiquement poser des dilemmes moraux. Par exemple, t'as le père de famille qui va choisir de prostituer sa fille de 17 ans. Parce que ces trois autres enfants meurent de faim. Ou ce genre de situation abominable, on peut pas imaginer choisir entre les deux. Et c'est ce genre de scènes qui font vraiment une richesse à Sens Mort pour moi. C'est là où on n'est pas d'accord, parce que je pense que moi, ils ont des choix qu'ils auraient pu faire et qui n'ont pas fait au départ. Mais parce qu'ils ne peuvent pas les faire au départ. Au départ, ils ne peuvent pas les faire. Au départ, c'est une tragédie. Au départ, ils sont influencés par ces quadrillas, ils ne peuvent pas les faire. Et ensuite, tu enlèves les fils de la marionnette, mais la marionnette ne sait faire que les mouvements qu'elle a toujours fait. Ouais, c'est ça. Il faut lui apprendre à se servir de son bras autrement, lui apprendre à, vivre autrement. C'est vraiment un sujet de podcast qui est délicat, parce que du point de vue des PNJ, moi je pense qu'ils sont vraiment... on est bien et bien dans la tragédie. Tu prends n'importe quel PNJ dans la tragédie. Il subit le script de Dieu, il subit le script de l'histoire, de la rune, la destinée de sa rune et tout. Enfin, tu vois. Mais si tu regardes les personnages des joueurs, eux, par contre, ils sont plus dans le drame. Parce que c'est eux qui tissent les liens qui, ensuite, vont être détruits par le MJ, ou en tout cas attaqués par le MJ. Tu vois ce que je veux dire ? Sens Mort serait une tragédie sans les Bugs, du coup. Exactement. Exactement. S'il n'y avait pas les Bugs... Sens Mort ne serait juste une tragédie. Mais j'avais pas pensé à cette vision divine de la tragédie, en fait. Pour moi. Ah oui, parce que moi je pensais justement que c'était. Parce que, vu que Sens tire les ficelles, je pensais que c'était. Oui, bien derrière, sûr. Ouais, mais non, mais j'ai pas pensé à ça, en fait, pour être honnête. Moi j'avoue que le mot tragédie, avant que tu le définisses, pour moi c'était plus le résultat, c'est-à-dire une histoire triste, des aventures qui sont. de mal en pis et on y arrivera un pas. Destin contre toi. Ah, et ça, moi, je voyais plus ça. Le destin contre toi sans majuscule au destin, en fait. Je voyais pas l'importance de la majuscule au destin. Et moi, je pense aussi qu'il y a un truc, alors je sais pas comment tu l'as masterisé, toi, Adrien, mais moi, j'aime bien, parce que quand on arrive sur Sélénée, on a un peu l'image d'être le héros et tout, et on reste un peu... On reste un peu dans cette image-là, genre ouais, avec mon gun, je vais pouvoir tout défoncer ou je vais pouvoir tout changer d'un seul coup. La réponse est dans l'arme. La réponse est dans l'arme. Et en fait, j'aime bien en fait mettre directement dans le premier scénar un dilemme où s'ils utilisent l'arme, de toute façon, c'est foutu. Mais s'ils l'utilisent pas, c'est foutu aussi. Genre un truc, mais qui est difficile à vivre et où du coup tu te ramasses le fait que en pleine gueule que t'es plus un héros et que là va falloir que tu trouves d'autres façons de faire, quoi. Natacha, tu avais l'air de dire non du coup, enfin ça, on a, enfin je me rappelle pas d'un dilemme comme celui-ci en début. Non. Ça voilà, après j'ai pas trop joué ça et, en fait, mais par contre, et du coup enfin on a tout de suite compris qu'il allait falloir qu'on utilise autre chose. La première initiative de Caillot sur notre table, ça a été de se balader dans la rue et de décrire discrètement sur un mur, ça commence. Et enfin, juste voilà. C'est génial comme un truc. Et j'avais adoré, moi, j'avais adoré. Ouais. Voilà. Et on a tout de suite compris qu'il allait falloir qu'on fasse autre chose. La radio pirate, on l'a créée quasiment. On l'a créée dès le premier interscénar d'ailleurs. Ouais, et ouais. En fait, moi, l'accent, la violence ne suffira pas. Ouais. Je la fais suinter, surtout par. Ils viennent de libérer leur fragment. Ils vont essayer de le soulever, mais ils n'y arriveront pas par la violence. C'est surtout sur ce plan-là que je l'ai fait jouer. Parce qu'après, la violence, elle intervient quand même assez souvent. Il y a plus de combats que ce qu'il, enfin pas que ce qu'il faudrait, mais que ce que l'on soupçonne a priori. Est-ce que Adrien, tu serais d'accord avec moi pour dire que la tragédie dans Sens Mort, du point de vue des meneurs, c'est l'idée que quoi que fassent les PJ, il n'y a pas de bonne solution. Alors que dans Sens Renaissance, il y a franchement une bonne solution. C'est-à-dire que à la fin, tu réussis ta mission, tu t'en vas en sliptique alors que tout est en train de péter derrière et que tu as sauvé tous les civils. Il y a l'idée, il y a une bonne solution. Il y a un côté ultra hollywoodien, happy end, tout ça. C'est ça. Ouais. Alors que dans Sens Mort, le tragique s'exprime par le fait que dans les parties proposées par les meneurs, il n'y a pas de solution, en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de bonne solution. Là, quoi. Typiquement, moi, j'ai une scène en particulier où, justement, les joueurs se sont cantonnés à la violence. Ça a été, ils ne savaient pas comment faire arrêter le commerce de viande humaine. S'ils explosaient toutes les usines, c'est la mort de faim sur la Lune, clairement. Donc, ils en ont quand même fait péter une pour le geste. Et ils voulaient faire changer les lois ou autre, mais c'est lent. Il y a des partis politiques qui sont contre, des lobbies, des machins. Et donc, ils ont juste pris en otage toute la noble chambre pendant une journée, le temps qu'un vote se fasse. C'est donc, au final, la violence a été utilisée, mais avec un certain dégoût, avec une certaine... C'est vraiment la seule solution qu'ils voyaient. C'était pas la seule solution, mais juste les autres leur semblaient plus horribles. Comme par exemple prendre le temps de régler le problème lentement, mais au coup de continuer à manger des humains. Dans ce sens-là, il y avait un autre truc aussi que j'avais envie de dire, et si les meneurs trouvent des méthodes et des moyens pour le dire, ce serait super. Alors je sais pas quelle méthode t'as utilisé toi, Adrien, quelle méthode tu utilises toi, Fly, mais c'est l'idée que finalement, c'est pas en changeant, enfin, on peut pas changer la société tout entière. C'est en se changeant soi-même et en changeant et en éduquant en fait les gens et en prenant du temps qu'on change le monde. Je suis frappé par mes amis qui se révoltent contre le système et qui cherchent à le changer à tout prix, donc qui s'investissent dans des groupes politiques comme le NPA ou des groupes d'extrême gauche très souvent, ou voire même des groupes anarchistes, parce qu'ils trouvent que le système est pourri et que tout va de travers, etc. Et ils espèrent ainsi faire changer le monde brusquement, si j'ose dire. Très souvent, il y a une révolte totale contre le système et l'envie de le faire changer brusquement. Mais en fait, je pense que de toute façon, de base, ce combat-là, il est perdu. Et c'est, dans Sens Mort, c'est un petit peu ce que je voulais exprimer avec cette histoire des armes qui ne peuvent pas servir. Et c'est que c'est pas comme ça qu'on va changer le monde. Si vous voulez changer le monde, il faut d'abord être constructif avant de chercher à... Moi, la seule action que j'ai essayé de faire comme ça, personne ne m'a suivi. Alors, Qu'est-ce que tu as voulu faire ? J'ai repensé à ma phrase préférée du Petit Prince, qui est moi, si j'avais 2 heures à perdre, je marcherais tout doucement vers une fontaine, ou à peu de choses près en substance. Et je me suis dit, bon, bah voilà, vu que j'ai trouvé un petit boulot en centre-ville, je vais aller à pied en centre-ville. Et je vais essayer de proposer à mes collègues qu'on fasse le trajet ensemble, qu'on discute pendant le trajet. Voilà, de devenir un héros ordinaire en fait. Ouais. Et c'est finalement la seule bonne solution. Sauf que ça n'a pas marché, il n'y a personne qui m'a suivi. Parce qu'en fait, dans ce sens, on ne propose pas de jouer des héros ordinaires. Et alors, pourquoi ça n'a pas marché? C'est que moi, en tant qu'MJ, de mort, hein, quand on me propose une solution, tant que tu n'auras pas insisté 3 fois, 4 fois, ça ne marchera pas. Parce que les gens ont leurs habitudes. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est bien précis dans la base, il me semble. Si tu n'essayes pas de libérer les fragments d'un point de vue humain. Oui, clairement. La solution, elle serait là. C'est-à-dire que dans chacun de tes interscénars, chacun de tes scénars solo, tu vas faire une petite action, une BA, un truc où tu insistes, justement, comme dit Adrien. Au début, les gens te regardent un peu comme un hurluberlu. Ils ne te regardent même pas. Voilà. Ensuite, ils te regardent comme un hurluberlu. Puis au bout d'un moment, il y a un gamin qui va s'arrêter de te regarder. Mmh. Et au fur et à mesure, en fait, c'est comme ça que tu sauves les fragments de Séléné. Mais en dehors de ça, il y a aussi toute une phase symbolique où tu vas contre les différents quadrillas pour affronter des caricatures totales, enfin l'excès en fait, l'allégorie même de la du quartier, ouais, du fragment. C'est vraiment une lecture symbolique qu'il faut en avoir. Il faut pas chercher à... Moi, je sais que quand je mets certaines choses en place dans mes sens morts, sur chaque... Moi, j'ai un truc bien, bien spécial en tête. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, histoire de pas tirer un peu les larmes, mais genre de se dire, mais je suis arrivée où ? J'essaie de mettre un peu de pathétique dans chaque fragment dans lequel ils arrivent. Mmh. Les bugs, pour vraiment les frapper. J'utilise beaucoup les enfants à ce... Ouais. D'ailleurs, toi, Fly, en tant que maître de jeu. Ouais, je trouve que... Parce que je joue souvent avec Flavie. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a tendance à utiliser les enfants comme image du pathos, quoi. Mm-mm. Parce que les pauvres, quoi, bah justement, eux, c'est des personnes qui subissent complètement. Oui, et puis eux, pour le coup, c'est le début. Ceux qui écoutent savent aussi que je suis prof des écoles. Je pars du principe que c'est par les enfants qu'on va pouvoir faire débuter le truc, quoi. Mm. Donc généralement, ils rencontrent des choses pathétiques. Et au fur et à mesure, en fait, ce pathétique se transforme. S'ils y reviennent, en fait, ils vont trouver quelqu'un qui va dire « Oh, je te reconnais, toi, t'as fait ça. » Généralement, un gosse. Et généralement, mais c'est pas vrai dans tous les... Parce que au buveur, par exemple, c'était pas ça. Mais généralement, c'est par les enfants qu'on accède aux familles et qu'ensuite, le virus, entre guillemets, se déploie. C'est bien, ça, l'utilisation des enfants pour... Jeunesses bugsiennes. Mais les bugs n'ont pas l'habitude de voir des enfants. Dans Sens Renaissance, il n'y a pas d'enfants. C'est pas une population, c'est une population de militaires. Ils sont dans une caserne. Oh, ils peuvent en voir dans le pôle sud. Moi, j'ai un de mes bugs qui est papa. Il n'y a pas de... Oui, d'accord. Non, mais mais là, du coup, c'est son histoire en tant que personnage. Je parle en tant que décor, en fait. D'accord. Parce que moi, il se trouve que j'ai écrit des décors, j'ai pas écrit l'histoire de tes personnages. Oui, non, bien sûr. Je parle que de ce que je connais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base de Pôle Sud, il y a des enfants. Oui, c'est pas parce que tu n'as pas décrit qu'il y en a pas. Dans Aqua City, ils sont décrits, tu sais, il y a un moment. Oui, alors, oui, on est passé dans les classes, même d'ailleurs, je me souviens. Oui, oui. Mais du coup, je pense que passer par les enfants et le contraste entre les enfants de la Terre et les enfants de Séléné, la façon, c'est vraiment une bonne idée. Et Fly, à mon avis, là-dessus, t'as trouvé quelque chose de pas mal. Est-ce que vous avez d'autres idées pour exprimer le drame, la tragédie? Alors, bien sûr, il y a l'utilisation des liens que le MJ va pouvoir malmener. En plus, ça colle parfaitement à cette idée d'enfermement, les liens. Ça, c'est une idée aussi que je tiens de Wittgenstein, en fait, dans lequel le monde est un ensemble de faits, de liens. Et il y a un auteur qui s'appelle Pierce qui appelle le système de Wittgenstein la fausse prison. Et c'est au sens où, bah voilà, on est emprisonné en fait dans un réseau de liens créé par le langage et tout, et ça c'est intéressant aussi du point de vue de la structure de Séléné et tout. Moi j'aime bien aussi, mais c'est peut-être parce qu'avec Lester et Uriel, je trouve que tu as posé deux personnages qui sont importants, qui sont, je vais pas dire des personnages comiques, mais des personnages un peu plus légers auxquels il va au final arriver des choses. Et j'aime bien aussi imposer ce genre de figure, une figure un peu plus légère, où les bugs vont se dire « Oh, ils vont trouver un bol d'air », et en fait, le bol d'air, ensuite, paf, tu le défonces, quoi. Et, tu défonces pas. Pour ceux que tu crées après, moi, j'aime bien créer un bol d'air qu'ensuite, il va falloir... Moi, de toute façon, falloir sauver. Si tu arrives à le sauver, là, par contre, t'as, d'une manière t'as générale, vraiment quelqu'un pour t'aider après, pour faire changer les choses. Même dans Agone, par exemple, qui est un univers qui est assez aussi, qui pousse aussi pas mal au tragique, au final, parce que c'est pareil, t'as toute une métaphysique hyper complexe où les dieux ont une part énorme dans ce que les héros font. Saleté d'automne. J'aime beaucoup aussi mettre un peu d'humour. C'est-à-dire au sens où t'as un personnage un peu humoristique qui montre par contraste la dimension tragique du reste de l'univers. C'est, bon, voilà, c'est... Alors moi, Lester et Uriel, je les ai pas du tout vus comme ça. Mais après, c'est peut-être parce que tu les as fait jouer différemment, Adrien. Moi, ils étaient assez absents. C'était plus de papa et maman à la maison. C'est ça, en fait. On les a pas vus souvent. Le seul petit gimmick que j'avais, c'était que Lester était plutôt dur de la feuille. Et du coup, voilà, il fallait plutôt lui répéter les trucs 2-3 fois. Mais sinon, à part ça... Et après, il y avait le personnage d'Anthony, qui est peut-être plus dans cette dimension-là. Mais... Ouais. Moi, je sais que j'avais créé un scénar qui a été... Où en gros, tu avais une sœur, son frère était dans le. À Dreamster, et en gros, comme c'est elle le... était. Pour ceux qui ont les bouquins, c'est le scénario de Julio et Julia, qui a été retravaillé en fait en fonction du scénario que Flavie avait écrit, parce que ce que Flavie avait écrit était mieux que ce que j'avais écrit à la base. Donc du coup, j'ai choisi de garder son scénario plutôt que le mien. Parce qu'elle est. Bah vas-y, raconte. En gros, le personnage de... Alors, moi, du coup, elle s'appelait pas Julia à la base, ni Julio, parce que c'est... je ne sais plus comment elle s'appelait. Mais en gros, c'est une noble qui veut libérer en fait, son frère, est tellement triste de la situation qui se passe sur la Lune. Lui, il est tellement conscient de la tragédie qu'il a décidé de se mettre dans Dreamster pour rêver en fait, qu'il allait changer la situation. Et elle... c'est un truc qu'on pouvait jouer à ma table, ça s'appelle les fantômes mécaniques. Elle a créé une sorte de robot dans lequel l'âme de son frère de Dreamster peut se mettre et son frère se transforme en sorte de super-héros la nuit qui va aller libérer la Lune, quoi. Et elle essaye de faire... C'est compliqué à expliquer. Ouais. Et en fait, s'il la rencontre, c'est parce qu'il y a les jeux d'Ibrandi où ils vont à un moment les bugs et elle, il se rend compte qu'elle essaye de poser un petit peu ses petites marques politiques un peu partout pour essayer de faire interdire certaines choses comme en gros, pour réaliser le rêve de son frère. Dans l'ombre, elle cherche à réaliser, si tu veux, le frère est à Dreamster et elle, dans la réalité, cherche à réaliser le rêve de son frère de façon à pouvoir un jour le faire sortir et lui dire regarde, ce que tu rêvais, c'est finalement réalisé. C'est-à-dire et en même temps, il y a son... voilà. Et il y a son... y a le fantôme mécanique de son frère, du coup, qui l'aide la nuit, de façon à ce que quand il se réveille, il se dise qu'il a aussi participé à ça. Donc ça, c'est vachement important aussi pour la dimension tragique de Sens Mort d'insister sur l'aspect ce que veulent les gens et ce qui est réalisé effectivement. C'est-à-dire la distinction qu'il y a entre ce que je désire et l'état de fait, en fait. Et il faut vraiment toujours montrer à ces PJ, à ces joueurs, que ce qu'ils veulent n'est pas encore réalisé, ou etc. Et toujours les contrarier en fait, de ce point de vue-là. Je pense que ça c'est pas mal pour... Et puis ça permet aussi d'avoir un point d'accès, parce que mine de rien, quand on arrive dans cet univers-là, on ne sait pas trop comment on va faire changer les choses. Il faut aussi créer des portes d'accès vers certaines choses. Et du coup, je me disais que créer une porte d'accès vers le monde des nobles permettait aussi aux bugs de pouvoir l'investir. Et je pense que c'est bien aussi... Je sais qu'au début, du coup, elle apparaissait vraiment sympathique et qu'au final, en fait, l'aiguilleur la chope et lui pose un dilemme. En gros, si tu veux, je peux m'arranger pour ce que ton frère pour aider ton frère. En échange, tu défonces les bugs. Et le but, c'est d'essayer personnage dilemmatoire entre guillemets. Et là, le but, c'était d'essayer de la reprendre avec soi et de lui faire comprendre qu'ils pouvaient faire changer les choses ensemble. Mmh. Ce que Flavie dit sur leur donner aux joueurs une porte d'entrée pour manipuler le monde, moi je l'ai fait notamment avec le scénario sur les médias, où justement ils rencontrent, tout tourne autour d'une présentatrice télé qui est en train de péter les plombs suite à ces émissions qui sont de plus en plus horribles, et les bugs arrivent à la faire sortir du cycle, et ensuite ils ont tout son carnet d'adresses, etc. Et du coup, c'est... Parce qu'en fait, le monde des médias, c'est un monde qui est hermétique, tout comme le monde politique. Donc le monde politique, ils ont déjà Lester et Uriel qui peuvent leur faire une porte d'entrée. Ouais. Le monde des médias, pour moi, c'est un monde qui est très important, qui est extrêmement important pour pouvoir soulever une population. Et du coup, il fallait que je leur donne une porte d'entrée. Donc c'est une piste qui est intéressante. C'est vrai que c'est pas mal. Alors, pour souligner cette dimension tragique, du coup, la définition de Natacha est pas mal, parce que ça permet aussi de se dire quelle position donner au décor et au meneur par rapport à justement cet aspect divin, en fait, des choses qu'on ne peut pas arrêter. J'ai bien aimé aussi, Natacha, ton idée qu'il fallait que les joueurs soient à l'origine du... Et ça, il me semble que ce n'est pas du tout le cas dans Sens Mort. Je me trompe. Alors moi, je, à aucun moment, en tout cas, ça nous est arrivé. De vous sentir à l'origine du problème. Heureusement, sinon j'aurais fait un câble. Aussi parce que vous êtes des étrangers. Mais ouais, vous venez de la Terre. Mais du coup, ça aurait pu être une idée pour un MJ potentiel. Ouais, ça, c'est... Je sais pas, parce que justement, pour moi, Sens Mort est tragique. Sans les bugs, parce qu'avec les bugs, il n'y a plus cet aspect le divin dicte tout. Mmh. Bah c'est le principe même du bug en fait, à l'endroit où il arrive, il apporte de la liberté. Donc, Et du coup, le bug est au centre d'un drame, ouais, c'est vrai. Tandis que l'histoire dans laquelle ils arrivent est une tragédie. Ouais, d'accord, ok. Parce que du coup, j'ai plus. Alors, par contre, il y a cet aspect-là pour Finlandfinger. Ah bah oui. Ouais. Parce que voilà, donc les bugs, enfin voilà. Mais... Lui, par contre, il est totalement à l'origine du problème. Ah ouais, bien sûr. C'est délicat. On ne peut pas avoir le double mandat bugs et immortel, hein, pas encore. Donc est-ce que vous avez d'autres conseils à donner aux meneurs pour gérer cet aspect tragique dans Sens Mort, mis à part faire apparaître les liens. Ouais, alors faire apparaître les liens et du coup faire apparaître des PNJ pour que des liens puissent se faire avec eux. Ouais. Ne pas hésiter. Et alors, pas hésiter à créer d'ailleurs des PNJ qui ne sont pas dans la base. À créer des nouveaux PNJ. Quitte. Alors, moi, j'adore faire ça. Hein. C'est le premier scénario, un nouveau PNJ sympa et tout qui va avec les joueurs et qui se suicide dès 2 heures plus tard. Quoi. Voilà. 2 heures plus tard, mais on n'a pas trop le temps de s'attacher à lui. Peu importe. Ça donne le ton de l'histoire. Si tu veux, c'est quasiment le premier personnage qu'il rencontre et qu'il discute. Et 2 heures plus tard, il s'est suicidé. Voilà. Et comme ça, de suite, là, voilà, on donne le ton. Okay. C'est marrant parce que moi, le premier perso que je leur fais vraiment rencontrer, auquel ils s'attachent, au final, c'est quelqu'un qui rêve parce qu'il voit tout le temps. En fait, il travaille. Je ne sais plus comment s'appelle ce fragment. L'aviateur. Non, l'aviateur. Il travaille à l'aviateur et il voit tous les jours en fait, des vaisseaux partir. Ouais. Et en fait, il rêve de partir de la Lune. Et donc, il décide de prendre le vaisseau des bugs. Et le seul moyen en fait, de l'empêcher de faire du mal, parce que Solipsis est dedans. Et le seul moyen de l'empêcher de faire du mal, bah, c'est soit tu le butes, soit tu arrives à le contrer, quoi. Mais généralement, c'est quasiment impossible de l'empêcher. Alors que lui, il veut réaliser un rêve qui est à peu près celui des bugs. Mais il veut aller sur d'empêcher Terre. Quelqu'un de réaliser un rêve qui est le tien. C'est pas mal quand même. Et ça, je me souviens que ce scénar-là, il a vraiment fait péter les plombs à Thomas. C'est ça qui a fait péter les plombs à Thomas. Ça, c'est le scénar qui l'a... Parce que Thomas était obligé de le tuer, du coup. Et après, Thomas, il est parti dans un trip. De toute façon, sur Séléné, tout est mauvais. J'ai un peu vécu c'est mort de la même façon. Ouais. Il y en a une qui a vu son score de mort passer 40 points en campagne. Quoi, ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a une technique aussi qui est employée dans le bouquin, qui est qu'à chaque fois que les joueurs... élimine un personnage ou un quadrilla, leur faire gagner un petit peu de mort. Ouais, bon, globalement, quand ils ont une attitude destructrice, quand ils commencent à hurler sur le système et à plus avoir de moyens d'agir. Un petit point de mort par-ci par-là. Et comme de toute façon, les joueurs sont invités à jouer dans le canon des runes. C'est pas une manière de punir ou de quoi que ce soit, c'est juste une manière de modifier leur miroir pour qu'ils reflètent ce qu'est leur personnage en fait. Moi ça m'a peut-être pas dérangé, ça me donnait plus de force de frappe alors. ce qui est intéressant aussi, c'est que au fur et à mesure, chaque nous c'est comme ça qu'on l'a vécu, mais au fur et à mesure sur notre table, chacun finissait par correspondre à une rune en fait, et du coup on s'appelait sympa, même plus par nos personnes. Toi Life là, t'as qu'à faire ça ou... ouais. Parce qu'en fait du coup Cédric, lui son personnage s'est clairement tourné vers la mort. Ouais. Genre il était hyper dramatique, triste tout le temps. Bah, Thomas... Il était alcoolique. Ouais. Ce qui est génial, c'est ouais. Il est devenu lui-même le buveur en fait. Thomas, c'était plus pour réagir à ça. Il est devenu presque robotique entre guillemets. Il faut faire ça. Silencieux surtout. Thomas. Silencieux, ouais. Et mon perso, c'était l'inverse. C'était Lina, c'était on va aller de plus vers les gens, on va créer des liens, des trucs de chouettes. Ouais, c'est ça. Tu te fais pousser les cheveux, tu te mets des fleurs partout. Ouais. Et du coup, c'est intéressant, je trouve, de favoriser cette différence à une table. Enfin, ça n'implique pas ça. Je le conseille pas non plus à une table. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que c'est un peu devenir caricatural et ça peut poser des problèmes. Oui, si la dynamique se fait naturellement, ça peut. Si être la dynamique se fait naturellement, c'est super intéressant. C'était l'avantage à notre table, par contre. Mais je pense que c'est aussi parce que le système était différent et que le système invitait à explorer des compétences. C'était encore un système de compétences quand ils ont playtesté la campagne. Et donc, du coup, tu avais envie d'être le spécialiste de tel domaine ou le spécialiste de tel autre. Donc, tu avais le guerrier, le médecin. Et du coup, mécaniquement, c'était intéressant pour vous de développer Life pour toi, Fly, pour Cédric, Death. Mais comme ces compétences reflétaient également des psychologies, à savoir celles des runes, du coup, ils jouaient, tu vois. Donc, ça les amenait, en fait, en fonction de leur rôle initial, à devenir des caricatures au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je pense que le nouveau système n'implique mais absolument plus du tout ça. Oui, c'est vrai. C'était après, on a quand même tous un peu notre rune de prédilection. Mais en fait, vous avez pas de comportement pour accentuer ça. Vous avez vos comportements, ouais. Le miroir s'y colle. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et puis, le système ne pousse pas à ce que des joueurs fassent des caricatures. De la surenchère. Non, absolument pas. Mais par contre, dernière chose, c'est de lier aussi les personnages les uns les autres. Ça, je sais pas si parce qu'il faut qu'il y ait des histoires d'amour, par exemple, impossibles, des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Toi, tu l'as pas beaucoup fait, Adrien, j'ai l'impression. Ouais, en fait, les points de lien, j'avoue que c'est, je leur rappelais pas très souvent. D'accord, ok. Donc là, ils en sont à néant. Ils ont pas encore leurs points de lien dépensés. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est. Alors c'est que pourtant, ça aussi, nous, à la base, nous, c'est là où c'est devenu. On appelait ça Sans ta Barbara. Sans ta Barbara. Ouais. Nous, à la Sans Death, on appelait ça comme ça parce que c'était Agonie, c'est amoureux de Lina, mais Lina est amoureuse de Météor, et en même temps. Il y avait des triangles amoureux tout le temps, ouais, mais des dilemmes. C'est vachement bien, puis ça calque ce qui se passe au niveau des PNJ en plus. Donc, Puis Thomas, Thomas, du coup, il devenait Cadria, donc il se rapprochait de Cosmo, donc il fallait qu'on le retienne avec nous pour qu'il ne tourne pas du côté de Miphos. T'as tout à fait raison de le souligner, Natacha. Un autre conseil pour les meujeux, dans cet aspect tragique, c'est de bien jouer la tragédie pour les PNJ déjà. Parce que les PNJ, les runes, les immortels, les incarnations personnelles des runes et les PNJ sont en fait les modèles qui dressent le canon esthétique de Sens et donc qui font de Sens le jeu simulationniste qu'il est, c'est-à-dire où tu dois vraiment explorer le canon esthétique et tout. Et donc du coup, de bien jouer cette tragédie pour Céline, pour Solipsis, pour Wilfried, et pour tous ces personnages, ça aide aux joueurs à eux-mêmes ensuite développer des histoires dans ce sens-là. Parce et donc, que je pense que si tu ne l'avais pas joué comme ça, avec Maria et tout, on n'aurait pas eu ces idées-là, en fait. Là-dedans, ouais, absolument. Et moi, j'ai encore plein d'idées. Tu as des conseils ? Non, j'ai rien. Et par exemple, laisser de la liberté, tout simplement. C'est-à-dire que de la liberté, laisser de la liberté aux joueurs. C'est vrai que la société est déterminée, il y a le grand œil, pour reprendre l'œil rouge de Flavie de tout à l'heure, il y a le grand œil qui observe le fragment, mais il faut quand même laisser de la liberté aux joueurs, notamment sur le passé. Par exemple, je vois par rapport à Nathaniel qui cherche à ressusciter Maria, ça c'est quand même vachement intéressant du point de vue de la tragédie parce que il cherche alors à. Alors ça fait référence à quoi? Parce que. Bah en fait, Nathaniel, c'est le nom d'un PJ en fait. Le nom d'un PJ qui est. Dans le livre de Sens, si tu veux, il Natacha. Il a pu ne pas être utilisé à ta table. En fait. Ah oui, en fait, non, mais pas du tout. Dans oui, le livre de Sens, c'est des exemples Natacha, pour les MJ. En fait, les PJ. Nathaniel serait l'équivalent du nom de ton personnage. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait, dans ce sens, c'est présenté l'histoire d'une des équipes de Bugs. Voilà, c'est ça. Et donc, Nathaniel, lui, bah, il essaye de ressusciter Maria. Au moment où on découvre qu'elle est morte. Exactement. D'accord, oui, c'est pas dit avant, pendant tout le scénario. C'est ce que j'avais compris. Il va chercher, en fait, il va dire fuck à Solipsis qui lui dit, en gros, faut pas étudier les armures. Mais le problème, c'est que Maria, elle meurt à la fin de Sens Mort. À la fin de Sens Mort, il y a néant. Ouais, et du coup, le coup de ressusciter Maria, c'est pour après. Mais souviens-toi, dans oui, Sens Mort, absolument. Oui, mais... c'est ça que je comprenais. Ah pas, oui, d'accord, ok. Mais ça c'est... je sais pas si. Je crois que chez nous, ça venait plus tôt. Là, en fait, ouais. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'il y avait des scénars entre la mort de Maria et Sens Néant, en fait. D'accord. Dans notre table, c'est pour ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans Sens Mort, tu as des exemples de personnages et des exemples de destinées pour eux. Tu te souviens pas? Après Sens Mort, c'est tout un texte où il est écrit. Après Sens Mort, oui, Agonis est devenu machin, machin. Lina a fait machin, machin. Nathaniel, machin, machin. Ça, c'est tous les PJ. En fait, je raconte les histoires de façon à montrer que après Sens Mort, plus rien ne sera comme avant, quoi. T'as à côté, clairement, les PJ ont été scarifiés. Enfin, il y a eu une. Bah là, c'est clairement le cas chez nous. Hein. Ouais, bah c'est ça qui est cool. Et dans Sens Cosmo, tu retrouves un petit peu. Bah, du coup, Tu regagnes du pouvoir, le pouvoir que tu avais perdu dans Sens Mort, t'en regagnes un petit peu, et donc du coup, tu as une vraie satisfaction de revenir et de reprendre ton perso en main et de te dire, bah là, maintenant, voilà, j'ai souffert, et aujourd'hui, bah, j'ai mûri, entre guillemets, et là, bah, je vais pouvoir. Je le ressens déjà avec Néant. Hein, D'accord, ok. Bah, c'est moi, bien. Néant, pour moi, c'était un peu la parenthèse enchantée, j'avoue. Oui, mais en même temps. Veracruz. En même temps, on est quand même censé se former pour après, et oui. Moi, c'est ça que je vois, ouais. En fait. C'est l'aspect formation. Et de me dire bon maintenant ça suffit t'as assez bon. Subi t'as assez fait de conneries. Je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait dire sur la façon de gérer la tragédie dans Sens Mort. Vous l'aurez compris hein, c'est que un des problèmes c'est le script qui bah voilà on doit montrer qu'il y a une destinée, qu'il y a les dieux qui agissent comme disait Natacha en début de podcast par rapport à sa définition du tragique, mais en même temps on est dans un jeu de rôle donc on doit laisser quand même les joueurs libres sinon on voit bah, et toute la tension de Sens Mort voilà l'illusionnisme si possible et puis sinon soyez francs. Ouais mais c'est ouais voilà c'est ça l'illusionnisme si possible sinon soyez francs. Bon moi je sais pas moi je là-dessus, mais je sais pas il y a en fait moi, tout simplement il y a des choses sur lesquelles ils vont être où les PJ vont pouvoir être libres. Oui, bien sûr. Totalement, et il y a 2-3 passages imposés, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il faut pas non plus exagérer. Le script, c'est pas non plus. Ils sont quand même pas sur un toboggan. C'est vrai parce que je reçois des mails de gens qui disent que nos podcasts donnent pas du tout envie de jouer à Sens à cause de ça, justement. Parce qu'on parle tellement des choses qui vont pas. C'est vrai que le script, ça fait, c'est quoi? Il y a 3 scènes scriptées dans la base. Ouais, c'est ça. Il y a. Et t'as des heures et des heures de jeu. Mais quoi? Oui, bien sûr. Non, mais quoi qu'il en soit, en fait, c'est pour ça que c'était pas. C'est pour ça que c'était pas de la critique. C'est vraiment parce que moi, si je l'ai ressenti comme ça, c'est parce que j'étais très immergée et parce que j'ai adoré. Vivre avec les personnages. Et t'as aimé cette tension justement qui forme le tragique entre la destinée d'un côté et ta liberté de l'autre, qui est propre au jeu de rôle en fait, qui est vraiment cette dimension. Oui, alors oui, mais sauf que pour ça il fallait que je cogite dessus après, pas pendant que. Ouais. Voilà. Et voilà, c'est pour ça qu'il aurait fallu qu'on joue l'après-midi parce que après je dormais pas donc. moi, c'est ce que j'avais aimé par contre, c'est le fait d'avoir. Parce que c'est vrai que dans la vie on n'a pas toujours. La prise sur les événements qui vont nous frapper. Et le moment où Wilfried s'en allait, c'est un des gros moments où du coup on n'était pas content et tout, et où ça nous donnait encore plus envie d'aller plus loin. Et avec Ced, on discutait pendant des heures hors scénar de ce qu'on allait faire, etc. C'est quelque chose de très important dont on n'a pas parlé, Fly, mais qui est vachement important pour gérer l'aspect tragique de Sens Mort, c'est d'encourager aussi les interscénars et les scénars solo où les joueurs vont pouvoir faire des choses. Et la discussion avec le meneur de jeu sur les intentions du personnage, ce qu'il veut faire et comment gérer au mieux sa tragédie. J'ai envie de dire aussi qu'une des clés de la destinée d'un personnage, c'est aussi ce qu'on a envie de faire le joueur, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, il faut bien être à l'écoute. En tant que meneur de sens, je me perçois qu'il y a un travail énorme d'écoute aussi des intentions des PJ. Parce que je sais que je m'en suis rendu compte bien après aussi, parce qu'avec Cédric... on a fini par s'avouer certaines choses, que genre on allait te trouver pour demander certaines choses, notamment lui par rapport à mon perso, et qu'en fait tu mettais ces choses-là dans les scénars. Tu peux le savoir que si tu fais des scénars solo, que tu prends les joueurs les uns après les autres, et que tu écoutes aussi les intentions de chacun, dire bah là j'ai trouvé que c'était un peu trop dirigiste, tu devrais me laisser plus de liberté là-dessus, tu vas voir, je vais pas te décevoir parce que moi ce que je veux faire c'est ça, et si c'est toujours dans le canon du jeu, bah faut pas hésiter. Pas hésiter quoi. Tout ça pour dire que moi, si je ne l'avais pas ressenti aussi viscéralement, c'est justement là où il y aurait eu un problème. Donc en fait, c'est tout est positif dans ce que je te dis. C'est parce que j'ai réagi à fleur de peau que c'est bon signe quoi. C'est intéressant. Le seul truc, c'est que c'est vrai que du coup, comme on parle toujours de ces points de tension dans Sens, dans les podcasts de la cellule, c'est vrai qu'on a tendance à pas faire une très bonne publicité pour le jeu parce que on est toujours en train de parler de. Mais en fait, ces tensions, quand on les vit C'est vachement plus intéressant de parler de ce qui bloque que de ce qui roule bien. Quoi. Non, mais bien ça, sûr, évidemment, mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que c'est ces points de tension qui font que Sens est un jeu intéressant du point de vue du jeu de rôle traditionnel. Parce que justement, c'est un jeu qui parle de la position du meneur par rapport à ses joueurs. Et justement, de la position du jeu de rôle du meneur traditionnel par rapport à ses joueurs. Tout le truc impossible, hein, le petit déj, du truc, on est bloqué entre une histoire qu'un MJ nous raconte et en même temps notre liberté personnelle. Enfin, tu vois, c'est tout ça. Oui, et ça, c'est l'objet de Sens, justement. Mais ça, je l'ai complètement perçu. Mais il fallait que je revienne après sur ce que j'avais ressenti et vécu. Et... C'est ce que j'avais joué et voilà, mais après quoi, De la même manière que quand je lis un livre, c'est quand je l'étudie que quand je l'étudie dans le texte ou dans les codes, dans les nœuds, dans les voilà, que je vais m'apercevoir de comment ça fonctionne. Mais le ressenti, il sera là à la première lecture. Bah oui, voilà, c'est ça. D'accord. Sur le coup, tu sens le truc comme ça et voilà. Et après, je vais pour me dire pourquoi, ouais. Pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Et moi, je vais. C'est ce qui fait envie aussi aux gens de lire le jeu, de donner. C'est que oui, parfois certains se disent, là, mais est-ce que c'est pas un jeu à lire en fait, sans c'est ah, pas bah, un jeu finalement. Moi, j'ai très envie de le lire. C'est à lire, mais c'est aussi à jouer. Je pense juste à un dernier truc qui s'est passé à notre table et qui est intéressant, c'est qu'on s'est tous. Il y avait un PJ à notre table. Bon, malheureusement, François est mort tellement de fois à notre table. Que, voilà. mais en fait, à chaque fois, il faisait des purs persos auxquels on s'attachait. Et Sens Mort, c'est quand même là où on a tous essayé de sauver son perso. On s'y est tous mis et en fait, on n'a pas réussi. Ça, c'est important aussi de s'entendre avec un. Par exemple, s'il y a un joueur qui en a marre de son personnage, il y a tellement d'archétypes qui se débloquent à partir de Sens Mort et même il y en a encore un dans Sens Cosmo après, que ça peut être intéressant d'en parler à un joueur pourquoi pas d'une fin, d'une éventuelle fin durant Sens Mort de son personnage et intensifier comme ça aussi la tragédie dans Sens Mort. Parce que nous, on savait pas qu'il avait prévu de mourir. Voilà, c'est ça. François m'avait dit, moi, écoute, c'est bien simple. Mon perso, j'en ai un peu fait le tour et tout, j'ai envie de changer, de prendre un fragile en l'occurrence. Ouais. Et donc, j'ai envie qu'au premier scénar, mon personnage crève ou au deuxième, enfin, mais j'ai envie d'une mort classe. Il me faut une mort, machin truc. Et donc, tout le monde, personne n'était au courant. Qu'il allait mourir et donc du coup on a orchestré sa mort comme ça et ça a été un choc pour tout le monde. Jouer les enterrements aussi, tiens, ça c'est un truc tout con dans Sens Mort, jouer vos enterrements, ne laissez pas un PJ ou un PNJ mourir, non décrivez qu'il y aura un enterrement qui sera donné pour lui, machin truc, c'est vachement intéressant. Je prends par exemple un film d'ailleurs qui s'inspire énormément de Koyaanis Katsi, sorti récemment, Les Watchmen, enfin sorti récemment, ça commence à avoir un peu de bouteille quand même, un an peu. Peut-être. Il y a un enterrement dans le film qui est vachement bien filmé, où chaque perso de la fiction, parce qu'en fait ça fait tellement jeu de rôle que... Enfin, ça fait trop jeu de rôle ce passage en fait, où chacun se souvient du... Ah ouais, vous avez pas vu ça ? Moi je l'ai pas vu. Ah d'accord, ok. Donc c'est chacun se souvient en fait des moments qu'il a eu avec la personne qui est enterrée. Donc ça fait penser aux liens, ça fait penser à plein de trucs, à des scènes de flashback, et pendant l'enterrement on y repense. Et tu vois, c'est un truc tout con, mais c'est des scènes qu'on joue jamais en jeu de rôle, des scènes d'enterrement, ou presque pas. T'as l'air de pencher la tête, Adrien. Non, je réfléchissais, j'ai rien qui me vient en tête. Ouais. Mais il y a eu un moment donné où j'y ai vaguement pensé pour mon personnage. Ouais, je l'ai vaguement suggéré. Mais parce que j'étais rentrée dans une dynamique qui allait vers ça en fait. Et il y a même un moment donné où ça a failli arriver sans qu'on l'ait vraiment prévu sur un scénario. Ça ne serait pas arrivé si tu l'avais pas dit. Tacha. Oui, quoi ? Il me regarde en te parlant, ça, je crois. Ça ne serait pas arrivé si tu ne me l'avais pas demandé. Oui, non, mais en fait, en reparlant après, en refaisant le débrief, je t'ai dit, voilà, j'ai failli faire agir comme ça, et tu m'as dit, je crois qu'en fait, il aurait fallu que tu meures, quoi. Mais bon, du coup, je l'ai pas fait. Parce qu'attention, il y a une règle qui est très stricte dans le sens sur la façon dont les personnages disparaissent. Oui, Adrien m'a dit, mais tu peux pas tuer un personnage. Adrien m'a dit, mais ça, et puis je l'avais lu dans le kit d'initiation en plus. Ah d'accord, ok. Mais du coup, ça tendait vers ça finalement. Sens, est-ce que c'est un jeu sur l'illusionnisme ? Point d'interrogation. Est-ce que c'est comme ça qu'on met la tragédie au centre de Sens Mort ? Je sais pas. Est-ce que c'est finalement la tragédie dans le jeu de rôle, c'est pas l'illusionnisme par excellence ? Bah oui. Et bon, voilà. Beaucoup, c'est ça, je pense. C'est pour ça que Sens Mort est un jeu tragique, c'est parce que c'est un jeu qui parle de l'illusionnisme. C'est, enfin, à mon avis. Alors que Sens Néant, un peu moins. Même si t'as une campagne, ouais. Un peu moins. Non, je maintiens. Je maintiens. Non, t'es pas d'accord ? J'ai pas du tout vécu ça, moi, quand Sens Néant. J'ai pas vécu le tragique pareil. Bon, on va peut-être pas parler du tragique dans Sens Néant maintenant, parce que déjà, je pense qu'on a été un peu long sur certains points. Mais voilà, déjà, ça fait quelques clés pour vous en tant que meneur pour prendre Sens Mort en main et pour introduire un petit peu de tragédie si le décor ne l'était pas assez à l'intérieur de vos parties. Voilà. Taper là où ça fait mal. Ouais, taper là où ça fait mal, sur les liens en l'occurrence. Faut pas hésiter à couper des bras aussi, à les remplacer par de la phylonite, à arracher des yeux. Parce que vous pouvez pas tuer vos personnages. Mais vous pouvez les faire souffrir. Tiens, ça me rappelle Yann. Ah, Yann Silly, dis donc. Donc voilà. Bon, sur cette merveilleuse conclusion, râlez moins, tragédie plus. Allez, on vous laisse. Tragédie. À la prochaine fois. Salut. Vous voulez bien, portez-vous bien. Bisous.